3. Exploration des îles de la mer intérieure. Jeudi 25 juin 1534. Le lendemain, le temps fut encore capricieux, obscur et venteux. Nous naviguâmes une partie du jour vers ouest et nord-ouest. Le soir, nous prîmes des mesures au cadran, et nous calculâmes que nous avions avancé vers nord-ouest et un quart d'ouest de 7 lieues et demie depuis le cap Saint-Jean. Le vent commençait à souffler du nord-ouest quand nous approchâmes de 3 îles. Il y en avait 2 petites, droites comme un mur, en sorte qu'il était impossible de monter dessus et entre elles il y avait un petit écueil. Ces îles étaient plus remplies d'oiseaux que ne serait un pré d'herbe. Dans la plus grande des îles, il y avait une multitude de ceux que nous appelions margots. Ils sont très grands, plus grands même que des oiseaux, et d'un autre côté il y avait des godets. Mais sur les rivages, il y avait des godets et des aponates, et nous en mîmes tant que nous voulûmes dans nos barques. Il eût été possible de remplir 30 barques en moins d'une heure. Ces îles furent appelées du nom de Margot. À 5 lieues de ces îles, du côté d'ouest, il y avait une autre île qui a environ 2 lieues de longueur et autant de largeur. Nous y passâmes la nuit pour faire provision d'eau et de bois. Cette île est environnée de sablons et arrosée d'une bonne rivière. Elle est de meilleure terre que toutes celles que nous avions vues jusque-là. Un champ de cette île vaut plus que toute la terre neuve. Nous trouvâmes l'île pleine de grands arbres, de prairies, de campagnes couvertes de froment sauvage et de pois, qui avaient fleuri aussi épais que les pois de Bretagne et qu'on aurait cru semés par des laboureurs. L'on y voyait aussi une grande quantité de raisins ayant la fleur blanche dessus, des fraises, roses incarnates, du persil et d'autres herbes de bonne et forte odeur. Sur les plages de l'île, il y a plusieurs grandes bêtes, comme de grands bœufs, qui ont 2 dents dans la bouche comme les éléphants et vivent dans la mer. Nous en vîmes une qui dormait sur le rivage, et nous allâmes vers elle avec nos barques, pensant la prendre. Mais dès qu'elle nous entendit, elle se jeta dans l'eau. Nous y vîmes également des ours et des loups. Cette île fut appelée l'île de Brion. En son contour, il y a de grandes marées vers sud-ouest et nord-ouest. Je ne crois pas, d'après ce que j'ai pu entendre, qu'il existe un passage entre la terre neuve et la terre de Brion. Si c'était le cas, cela raccourcirait grandement le voyage, en temps et en distance, si ce trajet était possible. À 4 lieues de cette île est la terre ferme, vers ouest-sud-ouest. Elle semble être comme une île environnée d'îlots de sable noir. Il y a là un beau cap, que nous appelâmes Cap Dauphin, parce que c'est là que commencent les bonnes terres. Le 27e de juin, nous fîmes le tour de ces terres, qui ressemblent de loin à des dunes, parce que ce sont là des terres basses et peu fertiles. Nous n'y pûmes aller et encore moins y mettre pied à terre, car le vent nous était contraire. Le lendemain, nous longeâmes ces terres jusqu'à un cap de terre rouge, qui est raide et escarpé comme un roc. Nous y avons vu entre 2 rochers un pays fort bas, et il y a aussi comme une petite plaine entre la mer et un étang. Et de ce cap de terre, et de cet étang jusqu'au cap suivant que nous pouvions voir, la terre forme une sorte de demi-cercle bordé de sablons comme une fosse, sur laquelle l'on voit des marais et des étangs aussi loin que le regard peut s'étendre. Et avant d'arriver au premier cap, l'on trouve de petites îles assez proches de la côte. Ce premier cap fut appelé Saint-Pierre, parce que nous y arrivâmes le jour de la fête de ce saint. Lundi 29 juin 1534. Le lendemain, pénultième jour du mois, le vent vint du sud et quart du sud-ouest. Nous allâmes vers l'ouest jusqu'au mardi matin, sans voir et encore moins découvrir aucune terre. Toutefois, vers le soir, nous aperçûmes une terre qui semblait faire 2 îles. Nous allâmes vers l'ouest jusqu'au lever du soleil et nous fîmes quelque 40 lieues. Chemin faisant, nous comprîmes que cette terre qui nous était apparue comme 2 îles était en réalité la terre ferme. Toute cette terre est basse et plate, et la plus belle qu'il soit possible de voir, pleine de beaux arbres et de prairies. Il est vrai que nous ne pûmes y trouver de port, parce qu'elle est entièrement pleine de bancs et de sable. Nous descendîmes pourtant plusieurs lieues avec nos barques, et entre autres, nous entrâmes dans un beau fleuve peu profond, qui pour cela fut appelé le fleuve des barques. Nous y vîmes d'ailleurs quelques barques d'hommes sauvages qui traversaient le fleuve. Mais nous ne pûmes en savoir plus sur ces sauvages, parce que le vent venait de mer et chargeait la côte, si bien qu'il nous fallut nous retirer vers nos navires. Mercredi 1er juillet 1534. Nous allâmes vers le nord-est jusqu'au lever du soleil du lendemain 1er juillet. Alors le brouillard se leva, accompagné de tempêtes, nous forçant à baisser les voiles. Près de 2 heures avant midi, le temps se fit clair et nous aperçûmes le cap d'Orléans, avec un autre cap qui était éloigné de cet lieu et qui fut appelé cap des Sauvages. Au nord-est de ce cap, à environ une demi-lieue, il y a un banc de pierre très périlleux. Pendant que nous étions dans ces parages, nous aperçûmes un homme qui courait sur la terre ferme, suivant nos barres qui longeaient la côte, et nous faisait signe de faire demi-tour. Voyant de tels signes, nous commençâmes à nous diriger vers lui. Mais nous voyant venir, il se mit à fuir. Ayant mis pied à terre, nous mîmes devant lui un couteau et une ceinture de laine sur un bâton. Puis nous retournâmes vers nos navires. Ce jour-là, nous tournoyâmes autour de cette terre, pensant trouver un bon port. Ce qui ne fut pas possible, car ainsi que je l'ai déjà dit, toute cette terre est basse et environnée de sablons et de bancs. Néanmoins, nous mîmes pied à terre en 4 lieues pour voir les arbres qui étaient très beaux et très parfumés, et nous trouvâmes que c'étaient des cèdres, des ifs, des pins, des ormeaux blancs, des frênes, des saules et plusieurs autres essences qui nous étaient inconnues, tous néanmoins sans fruits. Les terres où il n'y a pas de bois sont très belles et toutes pleines de pois, de raisins blancs et rouges, ayant la fleur blanche dessus. Il y a des fraises, des mûres, du froment sauvage, comme seigle, qui semble y avoir été semé et labouré. Le climat y est plus clément que partout ailleurs et assez chaud. On y voit une infinité de grives, de ramiers et d'autres oiseaux. En somme, il n'y manque que de bons ports.